J'ai dû laisser ma raison choisir le bon chemin. Croiser ton cœur n'était pas prévu sur le schéma. J'ai mis du temps pour guérir de l'intérieur. Désolé, j'ai dû lâcher tous ceux qui m'ont chez là. Maintenant c'est mort. Somebody say my name, téléphone sans joie décroché. Abonné, tu like ou tu spy, baby. J'ai longtemps été triste, j'ai décidé d'être en paix. J'ai décidé d'être en paix. D'être en paix. Maintenant c'est mort.